l'enfant n'était mon ami. À force de traîner avec lui, je me suis fait des ennemis. Je n'ai jamais voulu traîner dans la cour des grands. Mais si les grands n'assurent pas, est-ce que je dois en faire autant? Quand je me regarde dans le miroir, le décor derrière moi a disparu et je me retrouve dans une foire où chaque groupe de rap est une nouvelle attraction, avec un maximum de maquillage pour masquer la sensation d'être superflu ou bien de suivre le flux. Mais ça le faut, et ça sonne faux. Je rappe avec mon cœur et ma bouche fait sortir les mots. Je suis sans charme et dangereux comme Remo, car je gêne par mon naturel et mon arrogance. Mais le public aime toujours les gens qui font la différence. Mais aujourd'hui je ne suis plus un homme mais une haleine qui s'échappe de certaines bouches, surtout de celles qui ont la haine. Et pourtant je seul sais à quel point les gens pissent dans le hip-hop, m'apprécient à ma juste valeur. Je suis victime de critiques, de rumeurs, de passages à tabac verbaux quand les MC sont de mauvaise humeur. Le succès dans le plural ça n'existe pas. Toi-même tu sais qu'en cité, personne vient te féliciter. Mais sache que j'ai plus d'un tour dans mon sac, plus d'une corde à mon arc. Et si on parle toujours de moi, c'est que je laisse des marques. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. La force vient de moi car la vidéo technique. Ton cerveau, tu sais ce que ça vaut. De critiquer, j'ai pas toi à perdre avec les ragots. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. La force vient de moi car la vidéo technique. Ton cerveau, tu sais ce que ça vaut. De critiquer, j'ai pas toi à perdre avec les ragots. J'ai débarqué comme un ouragan, en ne laissant de place à personne. Et freestyle était mon slogan. Mais comme j'étais mûr au mic et jeune dans la rue, au lieu de prendre mon temps, j'ai couru sans regarder, en traversant la tête en l'air, sans même me poser la question, est-ce que j'ai des adversaires? Aïe. Et la réponse claire et nette, quand j'ai traduit le regard de l'ascar qui voulait ma tête, j'ai compris que la fête était finie, seul avec mon refrain pour combattre contre mes ennemis. À cette époque je n'étais pas escorté, les choses ont changé, je pense qu'on ne viendra plus me déranger. J'ai toujours tendu la main avec un sourire, je n'avais pas compris que le hip-hop il fallait pourrir. Mais ma force est sur le micro garçon, regarde comment je suis galbé, tu sais que je ne suis pas fait pour la basson. Mon crew est prêt pour toi si tu la veux vraiment, et si tu préfères un clash alors je serai présent. Je rappe pour la bonne cause, même si passe à autre chose, je te propose d'appuyer sur pause, d'appuyer sur pause, d'appuyer sur pause, d'appuyer sur pause, d'appuyer sur pause. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. La force vient de moi car la vidéo technique. Ton cerveau, tu sais ce que ça vaut. De critiquer, j'ai pas toi à perdre avec les ragots. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. La force vient de moi car la vidéo technique. Ton cerveau, tu sais ce que ça vaut. De critiquer, j'ai pas toi à perdre avec les ragots. Y'a de la place pour moi, c'est qu'il y avait de la place pour toi. Maintenant tu m'en veux gars, et ça ne me regarde pas. T'es jaloux de mon succès, t'as succès. T'es grâce au taf qu'on y arrive et pas en gâchant de la saline. Je suis conscient qu'avec ce genre de texte on voudra ma peau. Encore une fois de plus, boss, t'as flex qui va porter le chapeau. Tant pis, j'avance avec l'objectif de tout foncer. Tu jettes sur mon dos et tu m'appuies comme ma condé. Je rappe pour dire la vérité, si elle te blesse, c'est que le hip-hop reprend ses lettres de noblesse. S, à chaque fois tu check le chromie, tu restes naturel MC ou tu passes pour un Tommy. Mais sache que je te respecte en tant qu'être humain. C'est pas parce que tu fais du peur que tu es surhumain, gars. Prends-moi pour un fourbou, j'en ai rien à trop fou. T'es plus fou que moi, tant pis, tu finiras plus vite au trou. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. La force vient de moi car la vidéo technique. Ton cerveau, tu sais ce que ça vaut. De critiquer, j'ai pas toi à perdre avec les ragots. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. La force vient de moi car la vidéo